Tout me sauce en originaire. J'ai la technique, le flow, les armes, le seum, l'envie de niquer ta mère, j'suis dangereux. J'ai la guerre, j'fais partie des seuls qui ont marqué l'histoire et j'suis malheureux. Pas la même vie, pas la même SACEM, pas la même équipe, tous des peureux. Pas le même don, pas le même délire, moi c'est Dom Pérignon, toi c'est Vin Mousseux. J'ai plus aucune envie de vous plaire, j'veux plus me justifier. Je sais que t'as fait tomber l'échelle pour pas que je puisse monter. T'es un chien, moi j'suis au Seychelles, mon bif est dispatché. Mes enfants vivront de ma SACEM, même quand j'serai dégoûté. Passer le temps, j'achète des appartements. J'suis indépendant, donc y'a plus d'intervenants. Moi, j'ai fait des enfants, dans ça je garde autant pour moi. Son cœur en plein tourment, son corps vit de versement. Insulté sur réseaux sociaux, je prends mes distances, j'étudie le droit devant. Essoufflé, cours après le métro. Mais gagner du temps, au fond n'est qu'une perte de temps. Dernier tête à douer pour ne plus la perdre. J'en ai. Bernard, ils ont tout le verre, c'est gars. Ben ouais. J'ai tout niqué dans ce game, plus grand chose à faire. Non, non. J'mets des couplets dans mon compte et pas. Pour nous.